Les nouveautés à la maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine. L'amour au temps de la guerre civile de Rodrigue Jean en version française. C'est pas un bouquet, toi, je dis. Tu m'avais dit, toi. Ah, j'ai un char de merde. Une petite colombe. Est-ce que vous, mon Alex? On s'est demandé tout à l'heure. Spécial, tu vois. T'as dit quelqu'un? Je suis sûr. Ok. Le septième fils de Sergueï Bodrov, en version française 3D et en version anglaise. Les signes du mal sont omniprésents. Et il y a désormais ce monstre. J'ai pensé que tu pourrais nous protéger. Je t'ai manqué. Notre monde est déchiré entre la lumière et les ténèbres. Tu es le septième fils du septième fils. Et quel est donc notre rôle? Depuis l'aube des temps, nous protégeons l'humanité. Apprends-moi. Crois-tu que l'humanité soit bonne? Le mal a pris racine en chacun d'eux. Ils se servent de toi. Ils t'enverront au bûcher. Pourquoi choisir les humains? Si tu vois une sorcière, tue-la. Nous ne sommes pas toutes maléfiques, tu sais. C'est la plus importante de tes épreuves. Sers-toi de tout ce que je t'ai appris. Montre-moi ce que tu es! C'est pour tuer quoi? À lâcheté. Bob l'éponge, le film. Éponge à cours d'eau, de Paul Tibbitt, en version française et en version française 3D. Enfin, il est à moi. C'est un livre magique. Tous les plans diaboliques que j'écrirai dedans se réaliseront. Mais pour maîtriser son pouvoir, il me faut la dernière page. Et elle est tout au fond de l'océan, protégée par un héros légendaire. Arrête de tapoter sur ce mini-piano! Pardon. À l'attaque! On a encore quelques minutes avant qu'il arrive. Akari, il est juste au-dessus de nous! Luke, la porte! C'est fait! Touchez coulé! Paramount Animation et Nickelodeon Movies présentent... Ce pirate va détruire notre monde! Vous exagérez un peu, non? Qu'est-ce que tu fabriques, Patrick? Ça se voit, je bousille des trucs! Mais c'est pas ta maison que tu bousilles? Pour sauver leur monde... Tous avec moi, on va récupérer ce livre! Ils vont débarquer dans le nôtre. C'est quoi cet endroit bizarre? Oh oh. En 2015. Oh, un cachalot poilu s'est échoué sur la plage. Il faut remettre ces créatures à l'eau. Poussez de toutes vos forces. Oh, ça sent pas bon ici. Découvrez au cinéma et en 3D un film tellement sexy. J'ai rêvé de toi toute ma vie. C'est très gênant comme situation. Et tellement intense. Voilà le livre, à nous d'écrire l'histoire comme ça nous plaît. Que vous allez passer à la taille supérieure. Ils doivent faire beaucoup de muscu. Je crois qu'ils sont dans mon cours de gym. Attention, là, ça va faire mal. Oh oh, pas bon. Elles sont trop belles. Bob l'éponge, le film. Un héros sort de l'eau en 3D. Vas-y, super beau gosse, dégomme-le. On aurait peut-être dû te choisir un autre super pouvoir, Patrick. Léviathan, de Andrei Zvyagintsev. En russe avec sous-titres français. Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило. У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Ну понятно же, что сука для себя местечко освобождает. Всякая власть от Бога. Пока Богу угодно, беспокоится тебе. А вот угодно ему... Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена. Натика, полистайте. Ну а если я не буду читать вот это, тогда что? Я-то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем. Люблю тебя. Я знаю. Не отстрелялись, у меня мишени поинтереснее. А из нынешних кого нет? Мало исторического зазора. Где твой бог милосердный? На земле нет подобного ему. L'ascension de Jupiter de Lana et Andy Wachowski en version française et en version française 3D. On vous a appris que le berceau de l'humanité c'était la Terre, mais c'est faux. Vous rendez-vous compte de la réaction de l'humanité quand elle va savoir la vérité? Je ne crois pas que la plupart de l'humanité veuille connaître la vérité. Moi, je le veux. Votre planète a été ensemencée par les industries à Brassac, c'est d'il y a environ 100 000 ans. C'est une des plus puissantes dynasties de tout l'univers. Il y a trois principaux héritiers. L'aîné est Balem. C'est celui qui contrôle cette planète et veut votre mort. Je vous assure, je ne suis rien du tout. Vous êtes de la royauté. Qu'en est-il de la fille? Toujours vivante. Amenez-la moi. réapparaissent dans exactement le même ordre. C'est ce que vous appelez la réincarnation. La vie de votre majesté va changer, si c'est ce qu'elle veut. Je suis toujours la même. Pour l'heure, Balem détient le titre pour la Terre. Quand vous le réclamerez, la Terre vous appartiendra. Je vais récolter cette planète dès demain. Bien avant, voyez-vous, qu'elle ne me la prête. As-tu déjà vu une récolte? Jamais. Mais on dit qu'il ne souffre pas. Vous auriez dû me dire pourquoi vous la vouliez tant. Cette planète m'appartient. Plus maintenant. Votre Majesté, j'ai plus en commun avec un chien que je n'ai avec vous. J'adore les chiens, j'ai toujours adoré les chiens. Allons-y. Samba de Eric Toledano et Olivier Nadache en version française. Ok, alors je t'explique, en gros, ici on a 48 heures pour aider les types à sortir. Parfois moins, donc faut se manier. Bonjour, c'est quoi votre nom? Samba Cissé. Vas-y, note, Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande des titres de séjour, ils m'ont embarqué. Putain de race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve, pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous, vous êtes quand même spécial. Spécial. Merci, Alice, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, tu t'attaches pas. T'as bien compris l'histoire de la distance, là. Ta gueule. T'es franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule, quand même. T'es chaud lapin, toi. Non, arrête. Non, c'est pas chaud lapin. C'est... Non, c'est pas lapin. Non. Tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, tu fais. Oh, c'est fini, Coca, là, terminé. Retourne travailler, c'est fini. Ça m'a rien, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je peux pas, c'est pas possible. Bon, balance les pompes. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais tu m'as dit balance! Passe sur le toit, viens. Balance, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me pécho? Non, je peux pas te pécho, non. On va faire plus classique, on va se faire la mine. Classique, c'est mieux aussi. Samba, je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Peut-être qu'on pourrait le faire là. Comme ça, là? Ouais, peut-être parler, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi, à 3h du matin? Ne va pas te compliquer la vie avec une fille, maintenant. Tu vas t'attirer encore des ennuis. Qu'est-ce que tu peux donner à une femme, toi? Il n'y a pas un jour où tu penses que je peux décider ce qui va m'arriver? Oh, qu'est-ce que tu as fait, toi, de ce qui est bon pour moi? Si j'ai envie d'y croire, moi! Ils ne vous ont pas arrangé. Hein. La bouche, c'est bon. C'est plus au front la blessure. Aussi à la maison de cinéma cette semaine, Monsieur Turner de Mike Lee, en version originale anglaise avec sous-titres français. Projet Almana de Dean Israelite, en version française. Félix Semera de Maxime Giroux, en version originale française. L'année de toutes les violences de J.C. Chinder, en version française. Le garçon d'à côté de Rob Cohen, en version française. Sommeil d'hiver de Nuri Bilge Ceylan, en version originale turque avec sous-titres français. Paddington de Paul King, en version française. Tireur d'élite américain de Clint Eastwood, en version française et en version originale anglaise. Le jeu de l'imitation de Martin Tilden, en version française et en version originale anglaise. Wild de Jean-Marc Vallée, en version française.